L'actualité à Nancy et ailleurs. Exposition de l'Artothèque Art ou Show du 9 au 17 mars à la ferme du Charmois à Vendeuvre. Romain Marie était sur place pour Fadjet. Je suis aujourd'hui avec Josette et Nicole de l'Artothèque Art ou Show et elles vont nous parler un petit peu de cet événement. Donc Nicole ou Josette, est-ce que vous pourriez nous préciser en quoi consiste l'Artothèque Art ou Show ? Alors l'Artothèque existe déjà depuis 12 ans. Et elle se propose de mettre en rapport les artistes de notre région avec le public, de plus en plus nombreux d'ailleurs, à venir nous voir. Donc pour ça, on organise des expositions deux fois par an et on invite des artistes à exposer leurs œuvres et ils s'engagent à prêter gracieusement leurs œuvres au public. Vous êtes artiste vous-même, Josette et Nicole ? Il n'y a pas d'artiste dans l'association, c'est justement pour ne pas créer un... Comment on pourrait dire ? Pour pas influencer les choses. Influencer. Pas de conflit d'intérêts. Voilà. On dira ça comme ça. Mais vous êtes amoureuse de l'art, j'imagine. On aime beaucoup. Vous aimez beaucoup, bien sûr. Voilà. Bien sûr. On est content de faire connaître ces artistes de la région, au public aussi, parce qu'ils ont l'occasion de s'exprimer. De présenter aussi leurs travaux. C'est vrai c'est que ça. Souvent, en tant qu'artiste, on manque un peu de visibilité. Et donc là, l'exposition actuelle de l'Artothèque, elle se déroule à la ferme du Charmois à Vendeuvre. Donc de quand à quand pour cette exposition ? Donc elle est ouverte depuis aujourd'hui le 9 mars jusqu'au dimanche 17 mars de 15h à 18h. Donc tous les après-midi de 15h à 18h jusqu'au dimanche 17 mars. Voilà. Et on a combien d'artistes là qui sont présents ? Alors ils sont 43 aujourd'hui à présenter plus de 160 œuvres. D'accord, donc belle brochette d'artistes en perspective. Puis il y a des artistes de renom, j'ai vu qu'il y avait Gary aussi qui était là. On a des artistes qui ont eu des prix un peu partout. Oui, et on en a d'autres qui exposent pour la première fois. Oui, c'est vrai. Donc c'est une grande diversité, à la fois dans leur histoire, mais aussi dans les styles, hein, comme vous avez pu constater. En effet, c'est très diversifié. Donc en fait, ça offre un large panel, aussi bien d'artistes déjà assez dans une démarche professionnalisante, qu'en même temps des personnes qui débutent. Toutes ces œuvres sont soumises à la location. Comment ça fonctionne l'Artothèque alors ? Alors, donc, Nicole nous en dit un petit mot, mais Josette, vous pouvez nous repréciser ? Pour louer une œuvre, quel que soit le prix de l'œuvre, c'est 25 euros pour 3 mois. On a l'œuvre chez soi, on peut l'acheter éventuellement après. Ça peut faire plaisir à l'artiste. Ça fait plaisir à l'artiste. Il faut quand même laisser un chèque de caution, mais auquel on ne touche pas. Les œuvres qui sont éventuellement vendues par les artistes, ça va de quel prix à quel prix, par exemple ? Oh ben là, ici aujourd'hui, on a des œuvres qui démarrent à 70 euros jusqu'à 1500 euros. D'accord, donc c'est accessible, même avec une bourse moyenne, on va dire, jusqu'à des sommes plus importantes. Voilà, ça va dépendre du niveau de notoriété de l'artiste, peut-être. Voilà. Et après, le gros avantage, la location, si on ne peut pas s'acheter la toile à 1500 euros, on peut la louer pour 25 euros. Voilà, c'est ça. Et on peut changer. Vous faites plusieurs fois l'exposition. En fait, on n'en fait que deux par an. Deux à trois fois par an. D'accord. Donc là, c'est jusqu'au 17 mars. C'est la première fois dans l'année ? L'année scolaire. On a commencé en novembre. D'accord. Ah, c'est sur l'année scolaire. Donc novembre et mars, c'est sûr qu'il y en a déjà deux par an. La prochaine est en novembre. Bah super, je vous remercie infiniment pour cette présentation. Merci à vous. Bah merci. Vous voulez ajouter un petit mot pour conclure l'entretien ? Oh, il faut leur dire à tous vos auditeurs que l'art est important, on en a tous besoin. Ça nous fait rêver, ça nous console, mais ça peut aussi nous déranger et nous faire poser des questions. Ça nous fait changer les idées en tous les cas. Voilà. Merci à vous Josette et Nicole et bonne continuation. Longue vie à l'Artothèque. Exposition de l'Artothèque Art ou Show, c'est du 9 au 17 mars à la ferme du Charmois à Vendeuvre, ouvert tous les jours de 15h à 18h. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.